بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، donc mes frères, on continue inshallah ta'ala nos cours de tafsir. وقد وصلنا إلى تفسير سورة الشرح. On est arrivé à la sourate al-sharh, hein, que nous allons essayer de terminer aujourd'hui bi'idhnillah, mais l'explication est assez longue, donc je doute de pouvoir terminer aujourd'hui, wallahu a'lam. On s'était arrêté à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Donc on a vu le premier verset alam nashrah laka sadrak, et on allait commencer le deuxième verset wa wada'na 'anka wizrak, yani wada'nahu ay tarahnahu wa 'afawna wa samahna wa tajawazna 'ank wa wizrak ay ithmak. C'est-à-dire que ici Allah subhanahu wa ta'ala mentionne concernant son prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, qu'il lui a pardonné, hein, qu'il a excusé, hein, de son wizrak. Wizrak ici, bimana ithmak, yani un de ses fautes, الذي أنقض ظهرك. Et donc il dit, hein, ses fautes qui étaient, hein, qui étaient lourdes, hein, sur ton dos. Yani, hein, le dos, c'est l'endroit sur lequel on porte les choses. D'accord? Par exemple, hein, si tu prends quelque chose à porter, tu vas le mettre sur ton dos, d'accord? Et si ça fatigue ton dos, ça fatigue, hein, les autres parties de ton corps encore plus, car la partie du corps, hein, qui est la plus forte pour porter, c'est le dos. Entre le fait de porter avec le dos et de les porter avec les mains, il y a une différence. Essaye. Hein, tu prends par exemple un gros sac de ciment, tu le mets sur ton dos, ça sera beaucoup plus facile que si tu le portes à bout de bras. Donc le dos, c'est lui qui yatahammal. C'est lui qui supporte justement, hein, les charges, les fardeaux. D'accord? Donc le sens ici, c'est que Allah Azza wa Jal, hein, a pardonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, ses fautes et ses erreurs. قال الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans son livre au sens approché, hein, et nous t'avons certes donné une victoire éclatante, et Allah t'a pardonné tout ce qui a précédé comme erreur et tout ce qui va advenir, tout ce qui va advenir comme erreur. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتور قدماه أو تتفطر. قيل له أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit pour prier. Et il restait longuement debout. Hein? Il restait très longtemps debout dans la prière à réciter le Coran. Hein? Comme il est rapporté dans d'autres hadiths, hein, dans une seule raka, il disait quoi? Soit al-surat al-baqara, puis al-nisa, puis al-imran. Dans une raka. Allahu Akbar. À tel point que ses pieds gonflaient et ses pieds craquaient. Sous quoi? Sous, à force d'être debout. Imaginez-vous, mes frères, aucun de nous n'est arrivé à ce niveau-là. Hein? Nous, on se lève. Déjà, si on se lève, alhamdoulilah, déjà, si on se lève pour prier de la nuit, alhamdoulilah, on fait partie des meilleurs. Et en plus, celui qui se lève, hein, au bout de 10-15 minutes, yallah, bismillah, je vais dormir. Allah al-musta'an. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam se levait et priait et se tenait debout à tel point que ses pieds gonflaient et ses pieds craquaient. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors Aïcha radiallahu anha, sa femme, lui dit: pourquoi tu fais cela? N'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tous tes péchés passés et futurs? C'est ça qui est voulu dans le hadith. Hein, on veut montrer quoi? Que le prophète, ses péchés ont été pardonnés. Hein? Hein? Et nous t'avons certes pardonné, nous t'avons excusé, hein? Nous t'avons éloigné de tes fautes, de tes péchés. Et qu'est-ce qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha lorsqu'elle a dit: pourquoi tu fais cela? Tes péchés sont pardonnés. Il a dit: ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Allah Akbar. إذن مغفرة الذنوب المتقدمة المتقدمة والمتأخرة المتقدمة والمتأخرة ثابتة بالقرآن والسنة وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحد من الناس يغفر له ما تقدم وما تأخر إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أما غيره فيحتاج إلى التوبة من الذنب وقد يغفر الله له سبحانه وتعالى بدون توبة ما دون الشرك لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نجزم بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولهذا قال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Et donc, hein, le pardon des péchés passés et futurs a été confirmé dans le Coran, dans la Sunna pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie de ce qu'on appelle des khasa'is, comme on a parlé hier, rappelez-vous, dans le cours de Kitab al-Tawhid. Hein, c'est les khas, ça fait partie des spécificités. C'est unique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personne d'autre, hein, ne peut se voir pardonner tous ses péchés, passés et futurs, excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que autre que lui, on a besoin de quoi? De tauba. On a besoin du repentir de nos péchés afin qu'ils soient pardonnés. Le prophète, lui, s'est automatiquement pardonné sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est donné qu'à lui sallallahu alayhi wa sallam. Et pour les autres, Allah azza wa jal peut bien sûr pardonner. Allah peut même pardonner aux autres sans tauba. Sans qu'il se repente. Sans qu'il se repente, Allah peut lui pardonner. Excepté, bien sûr, s'il a fait du shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé. Et à part cela, il pardonnera qui il veut. Quand on dit que quelqu'un fait un grand péché et qu'il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire si Allah le veut, il le pardonne. Si Allah le veut, il le châtie par justice. Ça, c'est avec ou sans tauba? Sans tauba. Parce que s'il fait tauba, une tauba qui est sincère, une tauba qui est maqboula, qui a accepté son péché, c'est comme s'il n'a jamais existé. Donc il n'est pas sous la volonté d'Allah. Et Allah l'a déjà pardonné parce qu'il a fait tauba. Mais ce qui est voulu, c'est celui qui meurt sur un grand péché et qui n'a pas fait tauba. Alors lui, il est sous la volonté d'Allah. Soit Allah le pardonne, soit Allah le châtie. Mais lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est pardonné de tous ses péchés ou ses erreurs passées et futures. Et c'est pour ça qu'ici Allah Azza wa Jalla nous dit وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Hein, et nous t'avons certes pardonné tes erreurs, tes fautes, hein, qui étaient lourdes ou qui étaient tel un fardeau sur ton dos. Comme on a dit, le dos, c'est l'endroit du corps, le membre du corps qui porte les charges lourdes. Si quelqu'un dit, hein, quelqu'un peut nous dire que ce verset, hein, qu'on a lu ici, وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, et également les versets qu'on a mentionnés auparavant, qui indiquent quoi ? Qui indiquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été pardonné de ses péchés ou de ses erreurs. Hein ? Ainsi que les hadiths qui mentionnent cela. Hein ? Est-ce que cela veut dire ? Ou est-ce qu'on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, faisait des péchés ? Faisait des erreurs ? Est-ce qu'on peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des péchés ou faisait des erreurs ? Nous disons oui, il est possible. Hein? Et on ne cherche pas des textes, hein, qui viennent, hein, repousser cette affirmation. Cependant, hein, nous disons que la personne, hein, qui tombe dans le péché, hein, elle demande le pardon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith authentique, chaque fils de Adam, chaque être humain, fait des erreurs. Et le meilleur de ceux qui font des erreurs, ce sont ceux qui se repentent. Donc il est obligatoire que la personne fasse des erreurs. Donc les prophètes, et le prophète sans même peut faire des erreurs. Cependant, il y a des choses qu'il est impossible. Il y a des erreurs ou des péchés qu'il est impossible que les prophètes, hein, et les messagers, et en premier lieu notre messager sallallahu alayhi wa sallam, puissent faire. Comme le mensonge et la trahison. Impossible. Impossible que le prophète mente. Impossible que le prophète, hein, trahisse. Donc ceci ne peut pas avoir lieu dans aucun des prophètes et des messagers, sans aucune exception. Parce que si on permet cela, si on permet ou si on dit qu'ils peuvent mentir ou trahir, alors on aura insulté ou on aura dénigré leur message. Et ça, c'est une chose qui est impossible. Hein? Également, hein, le mauvais comportement. Les comportements affreux comme, hein, la fornication et autres, ceci est impossible pour les prophètes et les messagers. Ou pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ceci vient contredire ou annuler ou s'opposer à la base du message. Car le message a été apporté afin de quoi ? Afin de venir compléter les plus nobles caractères, les plus nobles comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, j'ai été envoyé afin de compléter les plus nobles comportements. Donc, pour résumer, hein, Allah subhanahu wa ta'ala a certes excuser, pardonner à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ses fautes et ses erreurs. Ses fautes et ses erreurs qui étaient lourdes et qui étaient tel un fardeau sur son dos sallallahu alayhi wa sallam. Et donc si ces erreurs, hein, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient lourdes sur son dos, alors que dire de nos erreurs à nous ? Que dire de nos erreurs et de nos fautes, de nos péchés à nous ? أوزارنا تقد ظهورنا وتنقدها وتتعبها ولكن كأننا لم نحمل شيئا وذلك لضعف إيماننا وبصيرتنا وكثرة غفرتنا نسأل الله أن يعاملنا بالعفو. في بعض الآثار أن المؤمن إذا أذنب ذنبا صار عنده كالجبل فوق رأسه وأن المنافق إذا أذنب ذنبا صار عنده كالذباب وقع على أنفه فقال به هكذا يعني أنه لا يهتم فالمؤمن يؤمه خطاياه وتلحقه الهمم حتى يتخلص منها بالتوبة واستغفار أو حسنات جليلة تمحو أثار هذه السيئة وأنت إذا رأيت من قلبك الغفلة من ذنوبك فاعلم أن قلبك مريض لأن القلب الحي لا يمكن أن يرضى بالمرض والمرض ومرض القلوب هي الذنوب. Et donc nos péchés à nous fatiguent notre dos et nous affaiblit. Cependant, pour nous, c'est comme si on ne portait rien. Pourquoi ? Pour la faiblesse de notre foi, la faiblesse de notre clairvoyance, pour notre grande négligence, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Dans certains athars, dans certains récits, il est rapporté cette parole. Le croyant, s'il tombe dans le péché, c'est comme si une montagne avait été mise sur sa tête. Alors que l'hypocrite, s'il tombe dans le péché, c'est comme s'il avait une petite mouche sur le bout de son nez. Car pour le croyant, il est inquiet. Il est soucieux de ses fautes et de ses péchés. Et il fait tout pour s'en débarrasser avec le repentir et la demande de pardon ou avec les bonnes actions qui viendraient effacer les traces de ses mauvaises actions. Et toi, ya Abdallah, si tu vois dans ton cœur une négligence concernant les péchés, alors sache que ton cœur est malade. Sache que ton cœur est malade. Car le cœur vivant est celui qui n'accepte pas que son cœur soit malade. Et la maladie des cœurs, c'est quoi ? Ce sont les péchés. فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَهْتِمَّ بِأَنفُسِنَا وَنُحَاسِبَهَا وَإِذَا كَانَتْ تُجَّارٌ لَا يَنَامُونَ حَتَّى يُرَاجِعُوا دَفَاتِرَ تِجَارَتِهِمْ ماذا صرفوا وماذا أنفقوا وماذا كسبوا فإن التجار الآخرة ينبغي أن يكونوا أشد اهتماما. Et donc il nous est obligatoire à tous, mes frères, qu'on soit soucieux de nos propres âmes qu'on se juge soi-même, qu'on juge nos propres âmes. Regardez, mes frères, les commerçants de ce bas monde. Regardez les commerçants de cette dunya. Ils ne peuvent pas dormir avant de retourner à leur cahier, au cahier de leur commerce. Qu'est-ce qu'ils ont dépensé? Qu'est-ce qu'ils ont sorti? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Avant ça, ils peuvent pas dormir, c'est pas possible. Leur esprit est occupé par ces choses-là. Alors que dire des commerçants de l'Akhira? Que dire des commerçants de l'Akhira? Ceux qui cherchent le commerce d'Allah Azza wa Jal. Ils doivent encore mettre plus d'attention, être encore plus soucieux de cela. لِأَنَّ تِجَارَتَهُمْ أَعْظَمْ فَتِجَارَةُ أَهْلِ الدُّنْيَا غَايَةَ مَا تُفِيدُهُمْ إِنْ أَفَادَتْهُمْ وَإِتْرَافُ الْبَدَنْ فَقَتْ عَلَى أَنَّ هَذِي تِجَارَةَ يُلْحِقُهَا مِنَ الْهَمْ وَالْغَمْ وَهُوَ مَعْلُومٌ وَإِذَا خَسِرَ فِي سِلْعَةِ اهْتَمَّ لِذَلِكَ وَإِذَا كَانَ فِي بَلَدِهِ مُخَاوِفٌ قطع الطرق أو سراق صار أشد قلقا لكن تجارة الآخرة على العكس من هذا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار تنجي من العذاب ويغفر الله بها الذنوب ويدخل بها الجنات جنات عدن أي جنات إقامة ومساكن طيبة في جنات عدن مساكن طيبة في بنايتها وفي مادة البناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. Et donc mes frères, pourquoi celui, le commerçant de l'Akhira, doit encore plus faire ses propres calculs, être encore plus soucieux de sa propre personne que le commerçant de cette dunya? Car son commerce est beaucoup plus important, son commerce est beaucoup plus exceptionnel. Les commerçants de la dunya en recherchent seulement la luxure de ce bas monde. Et tout ce commerce, le commerce de ce bas monde, apporte seulement la misère, ou plutôt l'angoisse, la détresse. Et ce qui est connu, regardez les commerçants. Certains, ils ont 30 ans, on dirait qu'ils ont 60 ans, tellement qu'ils sont stressés, tellement qu'ils sont angoissés, tellement qu'ils font que penser à leur commerce. Combien j'ai sorti, combien j'ai rentré, qui me doit de l'argent, à qui je dois, à qui je commande, à qui j'envoie, etc. Regardez leur état. Regardez si par exemple, ils perdent leurs marchandises, comment ils sont dans un état de détresse. Regardez s'ils entendent parler dans le pays de choses dangereuses, hein, comme ceux qui volent, hein, des voleurs, hein. Ils sont là, ils sont angoissés, d'une grande angoisse. Mais celui qui fait le commerce pour l'Akhira, alors lui c'est l'inverse. Lui c'est l'inverse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran au sens approché, « Ô vous qui croyez, ne vais-je pas vous indiquer un commerce qui vous sauvera du châtiment sévère ?» Que vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager, que vous luttez dans le sentier d'Allah avec vos biens et vos propres personnes, ceci est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Il vous pardonne vos péchés et vous fait rentrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Regardez mes frères, regardez ce commerce, pour l'Akhira. Qu'est-ce qu'il te donne? Il te permet, bi'idhnillah, d'être sauvé du châtiment de l'enfer. Il te permet que Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés. Il te permet de te faire rentrer dans les jardins éternels, des demeures ou des lieux de résidence exceptionnels, dans lesquels il y a des bâtiments, des constructions, un fait avec des matériaux exceptionnels. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Deux jardins faits d'or, avec des récipients d'or, et tout ce qu'il y a dedans c'est de l'or. Et deux jardins faits d'argent, ou faits d'argent. Les récipients sont en argent, et tout ce qui s'y trouve sont en argent. » Wallahi. لو يبقى الإنسان في سجدة منذ بلغ إلى أن يموت لكان هذا ثمنا قليلا بالنسبة لهذه الغنيمة العظيمة. والله mes frères, والله, si l'être humain restait en prosternation depuis le moment où il était né jusqu'à qu'il meure, ceci serait insignifiant ou serait très peu par rapport à ce butin énorme qu'Allah Azza wa Jalla a réservé aux croyants. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا أَنْ يَجُّ الْإِنسَانِ مِنَ النَّارِ لَكَفَى. Et même si cela était seulement pour que la personne soit sauvée du feu, seulement cela, alors ça serait suffisant. Ça serait suffisant, sans avoir de récompense, juste être sauvé du feu. أَحْيَانًا الْإِنسَانِ يُفَكِّرْ يَقُولْ لَيْتَنِي لَمْ أُولَدْ وَيَكْفِينِي أَنْ أَنْجُ مِنَ النَّارِ وَهَا هُوَ عُمَرِ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يقول لَيْتَنِي شَجَرَ تُعْبَدْ لَيْتَ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي رضي الله عنه. Et de, parfois, l'être humain, il réfléchit. Et il dit, si seulement je n'étais pas né, si seulement je n'existais pas, tellement qu'il réfléchit sur les péchés dans lesquels il est. Et des fois, il dit seulement, je veux être sauvé du feu, c'est tout. Je veux seulement être sauvé du feu. Je ne demande rien d'autre. Il est rapporté que Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, aurait dit, si seulement j'étais un arbre qu'on s'apprête à couper. Si seulement ma mère ne m'avait pas mis au monde. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, Amir al-Mu'minin, le deuxième meilleur compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est Omar Al-Farouq? Il tient ce genre de parole. Que dire de nous, ya ikhwa? Que dire de nous, subhanallah? لأن الإنسان يظن أنه آمن لأنه يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويبر الوالدين وما أشبه ذلك لكن قد يكون في قلبي حسيكة تؤدي إلى سوء الخاتمة. Car certaines personnes peuvent penser qu'ils sont saufs. Ils sont saufs. Il dit, je prie, je jeûne, je donne en sadaqa, j'ai fait le hajj, j'obéis à mes parents. Ouais, ce genre d'adoration, c'est bon, alhamdoulilah, je suis sauvé. Alors qu'il est possible que dans son cœur, il y a un peu d'animosité, un petit peu de haine qui le conduira à quoi? À la mauvaise fin. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني مدة قريبة لموته ما هو إلا ذراع في العمل لأن عمله كله هباء ويعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار كما جاء في الحديث الصحيح. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mes frères, il se peut qu'un d'entre vous, ou certes un d'entre vous, œuvre avec les œuvres des gens du paradis, jusqu'à qu'il y a entre lui et le paradis un coudé. C'est-à-dire, un temps proche. Sa mort est très proche. Et il reste entre lui et le Jannah un coudé. Ou une coudée, pardon. Une ou un coudé? Une coudée. Et il œuvre avec les œuvres des gens du paradis. Yani, ce que pensent les gens. Ce qui apparaît pour les gens. Qu'il œuvre avec les œuvres des gens du paradis. Comme ceci a été rapporté dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en fait, il fait partie des gens du feu de l'enfer. لكن قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ليس معناه أن عمله أوصله إلى قريب من الجنة وإنما المعنى حتى لا يبقى عليه إلا مدة قليلة في الحياة ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولكن هذا فيما إذا كان عمل الإنسان الناس كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. Et donc il est possible. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, jusqu'à qu'il reste entre lui et le paradis une coudée. Ça ne veut pas dire que ses œuvres l'ont conduit jusqu'à qu'il soit proche du paradis. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire plutôt qu'il reste plus beaucoup de temps avant qu'il meure. Attention de ne pas mal comprendre le hadith. C'est-à-dire que sa vie, il reste plus beaucoup de temps à vivre de sa vie. Et ensuite, il œuvre avec une œuvre des gens de l'enfer et il rentre dans l'enfer. Et il rentre dans l'enfer. والإنسان إذا مر على مثل هذه النصوص يخاف على نفسه يخاف من الرياء يخاف من العجب ويخاف من الإذلال. Et la personne, le croyant, normalement, lorsqu'il passe sur ces textes, il doit avoir peur pour sa propre personne. Il doit avoir peur de l'ostentation. Il doit avoir peur de la vanité, le fait de se croire meilleur que les autres. Il doit avoir peur de l'humiliation. ورفعنا لك ذكرك رفع ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد يشك فيه. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et il a élevé, et nous avons élevé ta mention, c'est-à-dire que Allah azza wa jalla a élevé la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et personne ne doute de cela. Personne ne doute de cela. أولا لأنه يرفع ذكره عند كل صلاة في أعلى مكان وذلك في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Premièrement, pourquoi on dit ça? Premièrement, Allah Azza wa Jal a élevé la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour chaque prière au plus haut des endroits lorsqu'on fait l'adhan. Et que le muadhin dit, et j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée excepté Allah, et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Thaniyan yarfa'u dhikrahu fi kulli salat fardan fi at-tashahhud fa inna at-tashahhud mafroud wa fihi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Deuxièmement, il élève la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans chaque prière de manière obligatoire. En effet, il est obligatoire dans la prière que tu fasses le tashahhud. Et dans le tashahhud, tu dis quoi? Et j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée excepté Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Thalithan, yarfa'u dhikrahu 'inda kulli 'ibada. Fa kullu 'ibadatin marfu' fiha dhikru rasul sallallahu alayhi wa sallam wa dhalika li anna kull ibadatin la budda fiha min shartayn asasiyayn wa huma al ikhlas lillah ta'ala wal mutaba'a lir rasul sallallahu alayhi wa sallam wa min al ma'lum an al mutaba' wa an al mutabi' lir rasul sallallahu alayhi wa sallam sawfa yastahdir 'inda al ibada annahu muttabi' fiha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fahada min raf'i dhikri. Et troisièmement, sa mention au prophète sallallahu alayhi wa sallam est élevée dans chaque adoration. Dans chaque adoration, la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam est élevée. Pourquoi? Car chaque adoration est obligatoirement ou doit obligatoirement reposer sur deux conditions. Al-ikhlas lillah, qu'elle soit vouée exclusivement à Allah Azza wa Jal, wal-mutaba'a, et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute personne qui va faire une adoration et qu'il veut qu'elle soit acceptée, il se doit obligatoirement de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a dans cela une élévation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous mes frères, imaginez-vous que chaque adoration pratiqué par chaque musulman depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme messager, comme prophète et messager sur cette terre, le prophète prend sa part de récompense. Imaginez-vous mes frères, des milliards et des milliards et des milliards de pères de musulmans qui sont passés. Et dont toutes leurs adorations, si elles sont faites comme elles se doivent, retournent où le prophète sallallahu alayhi wa sallam en est récompensé, sallallahu alayhi wa sallam. Combien de temps ? Ah, parce que là, les deux versets après, la parole est longue. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Vous dire, yahi, ça c'est facile ça. Après la difficulté, la facilité. En plus, ça se répète deux fois. Il n'y a rien à dire là-dessus. Détrompez-vous. Hein? Il y a beaucoup de choses à dire sur ces deux versets extraordinaires. Donc on laissera ça pour la prochaine fois, Inch'Allah. Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم